بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل الآن في المسألة 98 98 مسألة. في قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض. Toujours sur Ibrahim, dans le sens où Allah dit le jour où nous changerons la terre par une autre terre. Verset 48. قال رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة فيها التصريح بتبديل الأرض يوم القيامة وقد جاء في آية أخرى ما يتوهم منه أنها تبقى ولا تتغير ويقوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعل ما عليها صعيدا جرزا. Donc ce noble verset dit clairement que la terre sera changée au Melkiyama. La terre sera changée au Melkiyama. Et pourtant, on a un autre verset qui nous dit qu'elle restera telle qu'elle et qu'elle ne changera pas. Dans le sens où Allah dit, certes, nous avons mis sur terre, nous avons mis ce qu'il y a sur terre comme parure afin de les éprouver pour savoir qui œuvrera le mieux. Et il dit, et certes, nous transformerons sa surface en un sol aride. Nous transformerons sa surface en un sol aride, c'est-à-dire par rapport à la terre. Al-Kahf, la caverne, versets 7 à 8. قال فإنه تعالى في هذه الآية صرح بأنه جعل ما على الأرض زينة لها لإبتلاء الخلق ثم بين أنه يجعل ما على الأرض صعيدا جرزا ولم يذكر أنه يغير نفس الأرض فيتوهم منه أن التغيير حاصل فيما عليها دون نفسها. Donc là, dans ce verset qu'on vient de lire de sourate Al-Kahf, que Allah dit clairement qu'il a mis tout ce qu'il y avait sur terre comme parure afin d'éprouver la création, c'est-à-dire les mukallafin, les hommes et les djinns. Ensuite, il a clarifié Allah Azawajal qu'il rendra tout ce qui est sur terre en un sol aride. Sans pour autant dire qu'il va changer la terre en elle-même. Juste c'est que ce qui se trouve sur la terre, il va tout transformer et tout en faire un sol aride, c'est-à-dire tout va disparaître. Mais il n'a pas dit que la terre en elle-même va disparaître. Donc, on pourrait croire, avec le premier verset cité précédemment, que le changement n'aura lieu que sur ce qu'il y a sur terre et non pas sur la terre, par la terre en elle-même. Que le changement qui aura lieu concernera les choses présentes sur la terre, la surface de la terre et non pas la terre en elle-même. قال والجواب هو أن حكمة ذكر ما عليها دونها لأن ما على الأرض من الزينة والزفاف طيب وما على الأرض من الزينة والزخارف ومتاع الدنيا هو سبب الفتنة وطغيان ومعصية الله تعالى. Donc la réponse c'est que le fait de citer ce qu'il y a sur terre sans citer la terre en elle-même, car ces choses-là, comme les parures, les ornements et les jouissances, sont les causes de fitna, d'épreuves, de tentations, de désobéissance et de transgression. C'est pour cela que Allah Azzawajal s'est contenté de ne citer que ces choses-là dans le verset. Quand il fait l'irbaru anhu bi anna fanin za'ilun fihi akbaru wa'iz. أكبر واعظ وأعظم زاجر عن الافتتان به ولهذه الحكمة خص بالذكر ولا فلا ينافي تبديل الأرض المصرح به في الآية الأخرى كما هو الظاهر. Donc maintenant justement le fait que Allah Azza wa Jal cite qu'il fera disparaître toutes ces choses-là qui sont la cause de la tentation de l'homme et du djinn, cela a encore plus d'influence sur lui, car à la base c'est pour ces choses-là que lui se bat et non pas pour la terre en elle-même. Donc le fait de dire que Allah Azawajal va enlever tout cela et va en faire un sol aride, aura peut-être plus d'influence sur lui pour le faire raisonner et le faire revenir à la raison, c'est-à-dire l'homme. Et le fait que Allah Azawajal cite en particulier dans un verset le fait qu'il va tout enlever, ne renie pas, ne s'oppose pas au fait qu'il va changer la terre entièrement également. L'un ne s'oppose pas à l'autre. T'en as un, il cite la terre complètement, et il y a un autre verset qui cite ce qui est sur la terre en elle-même. Mais au final, toute la terre va être transformée. يوم القيامة. هذا هو. Donc ça c'est la réponse donnée par rapport à ce verset là. والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين.